1999, la dernière étincelle d'une époque révolue. Puis, le silence. Les années ont passé, le monde a changé. Mais les souvenirs, eux, restent gravés. Dans les sillons des vinyles oubliés se cachent encore les échos du passé. Chaque craquement porte en lui une histoire, un fragment de vie, une émotion. Les mélodies s'estompent, mais ne s'effacent jamais vraiment. Elles attendent, tapis dans l'ombre, leur heure. DJ Saphir, à l'ancienne. Le béton cap carne ne se crée mieux que la mémoire. Viens d'une époque où le silence faisait du bruit. My poetry's deep, I never felt. DJ Saphir, pas d'algorithme, que du feeling. Off the realness, we be infamous. Oh my god. L'ambiance, c'était notre seule monnaie. Here we go, yo. Oh my god, DJ Claw, bring the trash. Tout simplement, l'équilibre fut restauré. Des années de silence. Non pas un vide, mais une gestation. Une mémoire qui dormait d'un œil dans le crépitement des vinyles abandonnés. Ici, aucun retour triomphal, aucune reddition aux lois de l'époque. Seulement un constat. Certaines émotions sont trop tenaces pour mourir. Certaines pulsions trop profondes pour s'éteindre. Alors le temps d'une session, les fantômes se sont levés. Ils ont repris leur place derrière les platines, non pour revivre le passé, mais pour sceller un pacte avec lui. Le cercle est maintenant complet. La preuve est faite, la véritable essence est immortelle. Personne n'avait besoin de cette session. Juste, gardez la trace. À l'ancienne. Read the label and say it loud. Wow. Another banger.